Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 29 septembre, du 29 août au 11 septembre. C'est une période de deux semaines, ça ma foi. Hein? Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, et Marie-Pierre Laforge-Bourret qui anime pour la première fois les Palmarès, c'est fou. Ben oui, ça me fait tout drôle d'entendre la chanson. On dirait que je m'attendais dans ma tête à la chanson d'Assemblage requis. Bien sûr qu'on a animé toi et moi tout l'été, donc c'est pour ça, oui. Ceux qui reconnaissent ta voix, ben, c'est parce que tu animais la vie de croisière d'Assemblage requis avec moi-même. Et ça, t'as eu tellement de plaisir que tu m'as supplié... est-ce que je peux co-animer les Palmarès des fois avec toi et moi de dire? Je l'ai obligé, je le menaçais de coller une gomme dans les cheveux. Colin. Bon, c'est pour ça que je suis rendu chaud. Donc, les Palmarès c'est fou, Marie-Pierre, en passant, bien écrit sur ta feuille et bien lu lors de l'ouverture pour te rappeler les trois mots, les Palmarès c'est fou, j'aime bien. Ce qu'on fait dans l'émission, c'est qu'on vous présente le top 20 francophone et le top 20 anglophone de la semaine, ou dans ce cas-ci d'une période de deux semaines. Ce coup-ci, on a plusieurs nouvelles entrées. On parle d'une, deux, trois, quatre, cinq, six du côté francophone et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit? Ouh. Wow! Du côté anglophone, on va entendre tout ça, je dirais, d'ici la fin de la première ou de la deuxième heure. On va se rendre pas mal loin avec ça. Tout ça pour se rendre jusqu'au numéro 1. Et là, je te montre comment fonctionne la feuille, d'accord? Et je le montre aux gens à la maison. La deuxième colonne, c'était la semaine dernière. Donc, on regarde. Numéro 1 en francophone, c'était Kid Sentiment avec Nos Insomnies la dernière fois. Est-ce que tu peux deviner du côté anglophone, en regardant la deuxième colonne, le numéro 1, qu'est-ce que c'était la semaine passée? La semaine passée, c'était Ostra avec Beat in the Pool. Hey, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie, tu sais. Et c'est comme si c'était les mêmes feuilles qu'on utilisait pendant l'assemblage requis tout l'été. Mais bon, on ne dira pas. On va commencer avec un bloc de 20e position. C'est tout à fait nouveau du côté anglophone. Ce sera Camp Radio avec The Girl Who Stole My Motorbike. Et du côté francophone, ce sera Les Vulgaires Machins avec Je chante pour les sourds. Une pièce inédite de leur nouvel album de pièces inédites acoustiques. C'est ça. Ouais. C'est les deux. Inédite. Non, moitié inédit, moitié vieux stock. Donc c'est comme inescoustique stock. Genre. Je ne saurais dire. Les Vulgaires Machins au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Les nerfs abîmés, j'ai un peu trop martelé dans le vide. Malmené par le doute et les cordes vocales en ruine. C'est seulement tout ce qu'on prêche, on le mettait en pratique. Ma dernière abstraction dévie toute seule dans la brume. Quand je n'ai que l'apathie et la promesse d'en pleurer, je suis mon unique ennemi. Est-ce que c'est moi le cave à pas prendre les gens pour des caves, à cerner les marques de la tristesse sur nos visages? Combien nous sommes complètement inondés d'amertume, usés par la paresse et le peu de temps qu'il nous reste. Moi je n'ai que la colère et la promesse d'en pleurer. Je suis mon virus et mon de preuves de cette justice entravée.

obtient, c'est quoi le résultat? Ah, oublie ça, ça marchera pas. J'aimerais une chanson sur un seul accord, une seule réponse à tous vos efforts. Je reste fidèle, je trouve une défaite. Ça m'a mis en compte jusqu'à la mort. Enlève tes lunettes roses et mets mes lunettes noires. Dis-moi c'est qui a raison, dis-moi c'est qui a tort. J'ai tué la prudence sous le manque de confiance en toi qui t'a fait perdre le bon sens. Il faut qu'on avance, faut prendre une chance, allez, pourquoi pas? Oublie ça, je le sens pas. J'en ai une chanson sur le seul accord. Je serai réponse à tout mon effort. Je reste binaire, je trouve une défaite. Ça m'a mis en cours jusqu'à la mort. Oh, on peut toujours essayer, là, mais je pense pas. Numéro 19, nouvelle entrée. Non, pas pour vrai. Hey, si je me rappelle bien, là, il avait fait ça la semaine passée aussi. Le CD? Ouais, le CD de Darlings of Chelsea. Il veut pas être dans le palmarès, je pense. Ce bye bye, Darlings of Chelsea. Vous êtes bien fin, là, mais ça marche pas de même, notre affaire. Faut que vous puissiez jouer en ondes. Bon. Donc, vous êtes toujours au palmarès, c'est fou. L'émission qui condense la meilleure musique que c'est pour vous offrir. On va aller tout de suite aux positions numéro 18. Du côté anglophone, on va entendre Library Voices avec If Raymond Carver Was Born in the... je crois que c'est 90s. Il n'y a pas le reste de la phrase sur ma feuille, mais comme je Et du côté francophone, ce sera OK Volca avec Factor Temps. Oui, ben OK Volca, on l'a fait jouer, je sais pas si c'était ce matin ou hier, à Assemblage Rocky. Groupe que j'aime bien la plupart du temps. J'aime vraiment leur mélodie, j'aime la façon qu'un des gars dans le groupe chante. Sa voix est très, très mélodieuse, je trouve ça vraiment bon. Mais ensuite, il y a un autre gars dans le groupe qui est tout le temps en train de crier. Mais je sais que c'est le but du groupe, c'est voulu qu'il y ait un gars qui crie tout le temps, mais moi, ça vient m'enlever mon plaisir d'écouter cette pièce-là. C'est comme, on dirait que la moitié du temps, je suis comme « Ah, yeah, j'adore ça, je veux en jouer », puis l'autre moitié, je fais comme « Ah, ça va te finir bientôt ». Mm. Ouais. Donc, on écoute OK Volca avec Facteur Temps en position numéro 18. Et plus tard dans l'émission, restez avec nous parce qu'on va parler, entre autres, des sages fous que tu es allé voir. Oui, il faut que je vous en parle. Oui. C'est... Oui, c'est une découverte, voilà. Une affaire de marionnettes. Oui, ça sonne drôle un peu comme ça. Tu t'attends à Canel et Pruneau, mais ce n'est pas Canel et Pruneau. Pas tout à fait et le même genre. Très loin de là. On a bien hâte d'en entendre parler tantôt. OK Volca, Facteur Temps, tout de suite. Tout de suite. Là. Il va commencer à crier bientôt. Ça commence en criant, je t'avertis. Écoute bien ça. Yeah.

Ma nouvelle pièce préférée du moment, c'est Library Voices avec If Raymond Carver Was Born in the 90s. Une nouvelle position en position. Nouvelle entrée, hein, en position numéro 18 sur l'album The Summer of Lust. Et avant, du côté franco, c'était Toki Volka avec Facteur Temps sur fréquence Trémor. Très bon petit bloc que j'apprécie particulièrement. On va continuer avec un autre bloc de 4 pièces. On va entendre du côté anglophone de Megaphonic Thrift avec Sister Joan. Mais on commence en position numéro 17 francophone. Voici Monogrenade et leur nouvelle entrée immobile au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou! Passer à côté de moi, je vais rester blindé. Restez là, au retour, Beastie Boys, Timber Timber, Philippe B, Brady Cardi, dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 préféré, ça. Ah, ce boulot est trop génial. Beastie Boys avec la pièce C est en position numéro 16. Nouvelle entrée du côté anglophone. Et avant, on a entendu Philippe B avec Petite leçon des ténèbres en 16e. Les 17e places ont précédé Monogrenade avec Immobile et The Megaphonic Thrift avec Sister Joan. Voilà, il nous reste encore plusieurs nouvelles entrées, je vous l'ai dit. Et en passant, pour ceux qui se demandent où est passée Marie-Pierre depuis tantôt, elle nous a quitté momentanément et sera de retour. C'est pas moi qui l'empêche de parler. Je sais que c'est peut-être mon genre, apparemment, mais bon. On disait donc qu'on était rendu aux positions numéro 15. Du côté anglophone, on va entendre Timber Timber avec Lonesome Hunter, mais on débute en 15e franco. Voici Brady Cardi. Et si jamais, sur C'est Fou 89.1 FM, c'est les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Je m'ennuyais de ça, moi. Tout en même temps, dans une seule émission. Ça se mange comme un pain en tranche avec du Nutella. Commencer à rire de moi dès maintenant, Marie-Pierre, quand tu veux. J'ai fait un Mathieu Plante, comme on appelle dans le domaine, c'est quand tu mets la mauvaise pièce. C'est faire un Mathieu Plante. C'est comme ça. Pourtant, c'était la bonne pièce. Non, c'était pas la bonne. C'est Lonesome Hunter, la pièce. C'est ça? C'est ça? Oh. Ouais, c'est ça. Mm. C'est celle-là ici. Ah! Bienvenue au palmarès, c'est fou, Marie-Pierre. En fait, je pense que t'es habitué avec ce qu'on a fait cet été. Hein. Oui. Did those wrong kids cross a line? I'm afraid I'll never understand, baby.

Miracle Fortress avec Tracers en position numéro 14. On vient de terminer les nouvelles entrées. Déjà. Il n'y en a plus. On n'a pas entendu le numéro 14 francophone. Là, vous me direz, mais Colin, pourquoi est-ce que je ne peux pas entendre Martin Léon et le Chaka Chak? Ben, moi, je propose qu'on va aller l'écouter quand même. Ben oui. Pas dans l'ordre. Certainement. On voulait juste terminer les nouveautés tout d'un coup à la place de vous faire, de vous mélanger encore plus. Vous n'avez pas les feuilles des petits crochets pour vous démêler. Toi, t'en fais pas de petits crochets, c'est... Non? Non. C'est beau, des crochets. C'est fun de dessiner sur une feuille, non? T'es trop rendu geek. On t'a trop éduqué côté geek. Et là, tu dessines sur ton portable, c'est ça? Ça tu fais? J'ai rien fait. Rien? Tu fais rien? C'est ça ton problème, non? Ouais, ça n'a pas rapport, hein? Non. On fait semblant de se chicaner. Hein? Ouais, on va t'écouter la chanson? Bon! Choc à choc, Martin Léon, tout de suite. Et strict avec moi, t'es pas ma mère! T'es pas ma mère! Hey! Tu prends pour qui, toi, là? Tu viens d'arriver, là? Ta sœur. Oh, okay. Ouais, ouais. Y'a rien autour, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu joues ta belle fleur, ta poésie dedans sa face. Tu le remercies, c'est important d'être poli. Tu prends le corridor, celui qui t'amène dehors d'abord. Là tu vas voir des tentes, t'arrêtes pas, tu passes à la salle suivante. Je m'occupe du reste. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake

Ça, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la période du 29 au 11 septembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Marc-Pierre Laforge-Bourret. Est-ce que tu commences à t'habituer au thème des Palmarès C'est fou? Tu les avais jamais entendus? T'étais pas là à l'époque qu'on faisait Palmarès? Non, j'étais pas là à l'époque. C'était dans le fond en avril. C'est pas très loin. Mais non, c'est la première fois aujourd'hui, là. Dans... Jeudi, là, c'est aujourd'hui, ça. Que je l'entends. Aujourd'hui. On disait tantôt avec le décompte du nombre de semaines et de tout, de chaque Chuck, entre autres, qui était là depuis comme 12 semaines, si on comptait toutes les semaines, en vérité. Ça veut dire que tu n'as jamais vécu à une époque où il n'y avait pas Chuck à Chuck dans les palmarès, c'est fou, depuis que tu es assez fou, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est quelque chose. Quelque chose, c'est là depuis longtemps. On commence la deuxième heure avec les positions numéro 13. Du côté anglo, ce sera My Morning Jacket avec Holding On to Black Metal. Ça descend de la cinquième place. Et du côté franco, ce sera Tractor Jack avec Paris Robert... Hey, voyons. Paris Roberval. De qui donc? Tractor Jack. Avec quelle pièce donc? La 13. La 13, bon. Alors, on écoute ça, puis après ça, c'est un instant classique et je sais que t'as très hâte de l'entendre. Oui. Ça non plus, t'as jamais vécu dans une époque où il y avait cette chronique dans l'émission alors que tu étais aussi assez fou. J'arrête. C'est rendu plat, tu penses. C'est comme blague, hein? Non? Ouais. Oui. Ça a jamais été bon, hein? Non. Drop a pin jour, ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ma bouche goûte encore le vin que j'ai bu en Italie. J'ai cassé la gueule à un Américain devant la fontaine de Trévi. Le contrôleur me surveille, l'air un peu surpris. Il semble bien armé, il est fier dans son habit. Ce doit être sa mère qui fait ses pantalons. On arrive à Paris. Pour impressionner les gens, ce doit être un Parisien. Parisien. Et les Parisiens sont des crétins. À force de s'intéresser à tout, ils ne s'intéressent à rien. Paris, les est plus belles sur les cartes postales. Que je recevrai chez moi à Robert. Assis dans un bistrot sur l'avenue, la mode piquée. Je commande un café avec du sucre et puis de lait. Le serveur me dévisage et me demande de répéter en français. Je renverse son plateau et je lui dis très calmement de finir sa Marlboro et de m'écouter attentivement. Je veux la café, s'il vous plaît. Paris était plus belle sur les cartes postales que je recevrai chez moi à Robertval. Le Louvre avec une collection de bibelots, les Tuileries un jardin pourri. Versailles n'est qu'un vieux château, le Sacré-Cœur un temps fini. L'Arc de Triomphe traîne dans la rue. Je suis déçu par Paris. Numéro 13. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, My Morning Jacket et Holding On to Black Metal, au cas où vous n'auriez pas remarqué parce qu'ils l'ont dit comme 42 fois dans la chanson. C'était la position numéro 13, ça descend de la 5e place, 5e semaine de présence. Et avant, on a entendu du côté francophone... Tractor Jack avec Paris-Robert Val. Ta pièce préférée, sarcastiquement, bien sûr. Oui. C'est ça. Maintenant, ton moment préféré, sans aucun sarcasme, j'imagine, en tout cas pour le futur. Peut-être que tu vas t'habituer, tu vas dire « Crime, j'ai hâte à chaque semaine d'entendre la chronique Un instant classique ». Ouais, parce que là, comme tu l'as dit, c'est comme si tu prédisais que ça allait être mon moment préféré de la semaine. Ça n'a pas le choix. C'est, la barre est haute, hein? Oui. Voici Un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 5 septembre 2011. Pour la première édition de la saison automne 2011 d'assemblage requis, on reçoit Stéphanie Gagné avec Ton plat favori. Et ça commence beaucoup trop tôt. J'ai hâte d'avoir du nouveau matériel, des nouveaux chroniqueurs à harceler. Harceler. À chaque semaine, je viens de faire ta chronique. T'as-tu oublié ta chronique, mon ami? Et pour le dîner, c'est des wraps. Donc, ah oui, c'est rendu santé cette année. Oui, oui, ils ont remplacé les fameux hot dogs. Ils ont remplacé. Ils ont remplacé. Mais c'était boys! Bravo! Fais des wraps. Pro! J'ai essayé tout l'été, je n'étais pas capable. Fais-en l'autre. Pro! En ça, moi, je m'ennuie vraiment là, de notre bateau de croisière, le SS Rocky, qu'on a utilisé tout l'été. Oui, ça, c'était la sirène. L'action, si on peut dire. Je pensais vraiment que c'était moi en train de pleurer à cause du bateau. Non, je pleure pas comme ça. Je pleure bien plus viril que ça. Non, attends, non. À place de faire de rire normal, j'aurais dû dire rire comme dans Phil Godding. C'est bon, on aime ça. Ah, adorable. Ça part bien la journée. Tout à fait. Non, c'est ça. Donc, je m'ennuie du bateau SS Rocky. Je m'ennuie des vagues qu'on avait derrière nous et des petits oiseaux qui chantonnaient tout le temps. Merci. Imite-la. Continue. Non. Imite-la. Non. Attends, non. Je suis sûr que si t'es capable, si t'essayes vraiment, tu vas pouvoir imiter. Attends, imite un klaxon. OK, oui. Tu l'as très bien. C'est pas spécial. Prime! Tu fais les oiseaux en plus en même temps. Puis l'eau, elle. Ah! Je l'ai. C'est là l'affaire, François. Pour la rentrée, on fête ça en musique. On fait ça. Laissez parler la musique, hein, comme. Non, c'est pas. Toutes les musiques, une seule couleur. Donc, on arrête ça tout de suite. Hein. On pourrait poursuivre. Copyright. À chaque fois, on dirait qu'on s'en rappelle jamais, hein. C'est comme si c'était un running gag puis qu'on faisait exprès. Quoi, à faire exprès? Excuse-moi, attends, j'avais quoi dans la gorge? Ouais, ok. Comme ils disent en anglais. Break. Un break ou une cassure? Une cassure. On se prend une cassure. Cassure, c'est pas beau. Non, mais casseau non plus, c'est pas beau. Casseau. Mais il y a des fraises dedans, souvent. Fait que c'est bon. Et puis, en plus, il va y avoir des hot dogs, hein. Faut pas l'oublier. Pas des wraps, des hot dogs. Ouais, pas des wraps, des hot dogs. Tu me fais penser à ça en me regardant comme ça, avec ton petit regard. De saucisse. Non, hein. Ouais. C'est douche. J'en bois souvent. Ouais. Ça goûte pas un petit peu le pipi? Oh. Non? C'est pas fait avec du pipi. Je sais pas, peut-être. On va parler tantôt dans cet effet. Il faut rester à l'écoute. Hey, ça, c'est une bonne technique pour que les gens restent à l'écoute. Ouais, ouais, ouais. C'est réussi pas mal, je trouve. Hey, c'est drôle comment j'ai parti par erreur à la pièce 1, tu sais. J'ai fait ça comme ça. Ça ressemblait? Ça ressemblait énormément au début de la pièce 3. Tu sais, vraiment, c'est à s'y méprendre. Hein? C'est du jet. J'ai vu la musique plus. Ah, ben, Colin, t'écoutes musique plus, toi. Ben, de temps en temps, ça a tombé que. Pour Jersey Shore, hein. Tout le temps. Mike the Situation. Ouais, et puis l'autre, ça, c'est les abdominaux, ça, hein. Ouais, tu vois, ils en ont toutes, ça. Ouais, c'est ça, mais. Situation, c'est parce qu'il y a une situation dans son chandail, c'est pour ça son nom. C'est vrai? Ouais, pour vrai. Oh. Hey. Quelle excellente première semaine. Pas une semaine, toi. C'est qui fait ça, c'est comme. Ça, c'est ce qu'on a fait entre les émissions. Plein de vie, assez fou. Longue vie? Longue vie et plein de vie. C'est on est comme, on est renu. On se prend un continu à chaque automne. On se quitte avec Malajube. Voici leur pièce, Le Blizzard. Bye. Ça fait comme un bruit de vie. Voilà, c'était les meilleurs moments de l'assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'est comme ça, un instant classique, ça ressemble à ça. Ouais, mais je me questionne sur plusieurs choses, dont le breuvage qui goûte le pipi. Bonne question. C'était un fait dans la chronique, c'était un fait sur la bière Pabst Blue Ribbon. Oh. Les gens disent souvent que c'est une bière cheap, pas chère, qui goûte pas nécessairement très, très bon. T'sais. OK. Me voilà rassuré. Ouais. Je savais pas de quoi vous parliez. Là. Ça arrive, hein? C'est ça, un instant classique, c'est difficile de mettre le contexte tout le temps. Donc, si t'as des questions, tu me le demandes, puis je te réponds. OK. Ouais. Écoutez, Assemblage requis du lundi au jeudi de 7h à 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, pour d'autres moments cocasses comme ça. Et puis, on va les écouter en rafale dans un instant classique, ici même au Palmarès. C'est fou! Voilà qui est fait. Coché sur ma feuille, me barrer plus. J'ai comme fait des barres à la place. Varier un peu, crocher. Bon. On va être rendu aux positions numéro 12 du côté anglophone. C'est National Parks Project avec Long Time Before This. Ça monte de 7 places. Et du côté francophone, c'est l'obsédé musical du groupe Les Gigs. Oh. Donc, t'es en train de dire qu'un instant classique, c'est pas vraiment ton moment préféré de la semaine. Ça part, est-ce que ça a passé le test? J'ai rien dit, moi. Non, mais justement. Non, j'ai aimé ça. Okay. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas bien, quand même. C'est un classique. C'est un classique, ça le dit dans le nom. Ben oui. T'sais. C'est comme Coke classique, t'sais. Coca-Cola classique, c'est un classique, ça le dit dans le nom. Je peux m'appeler le geek, le roi des geeks. Non? Ce serait comme mon nom vu que je me le donne moi-même. Non? Non? Il n'y aura pas de meilleur moment de les palmarès, c'est fou. En passant, il n'y aura pas d'un instant classique pour cette émission-là. C'est correct. Là, tu pourrais me dire quand est-ce que commence la pièce? Quand est-ce que commence la pièce? Là, là. OK. J'imagine. How are you? C'est une pomme que tu allais cueillir toi-même. Quand ça? T'allais aux pommes? Non, dans un panier. Ah, OK. Bon. C'est mes beaux-parents. Un peu moins de mérite, mais quand même. C'est que le cueilli, c'est quelque chose. C'est plus ce que je fais dans ma vie. Non, moi, j'étais pas assez grande. J'ai shaké les branches. Bon. On vient d'entendre les positions numéro 12 du côté anglophone. Ça, c'était National Parks Project avec Long Time Before This. Ça monte de 7 places. Et du côté francophone, c'était les Gigs avec l'Obsédé Musical. Bon bloc. Comme toujours, hein, c'est la crème de la crème, les palmarès, c'est fou. Et on se rend jusqu'au numéro 1. Je vous rappelle que la semaine passée, le numéro 1 franco, c'était Kid Sentiment avec Nos Insomnies, alors que du côté anglo... C'était Ostra avec Beat and the Pulse. Est-ce que ça reste? Est-ce que ça tient? Suspense! Surtout que tu l'as déjà dit tantôt. Est-ce que j'ai déjà dit? Que ça tenait pas. J'ai dit ça? Ben oui. Colin, tu me surprends de m'apprendre. J'étais là. Ah ouais, bon. Uh-huh. Ben on va voir alors qu'est-ce que ce sera du côté de la position numéro 1. Tu vas apprendre des choses sur les palmarès, c'est fou d'ici la fin. Hein? Ah non, est-ce que je l'ai fait? Oui, c'était, j'en ai fait une couple de jeux de mots sur les numéros 1. Hein? Oui. Ça continue ça, ça va être un succès monstre. Les jeux de mots. Le et retour. Pour aujourd'hui, ça devrait se faire. C'est pas si pire. Quand même. Il y a hein? des possibilités hey, de jeux de mots pour toi. Je suis pas supposé les regarder avant. C'est pour ça que c'est de la merde quand j'ai fait. Donc, on va entendre tout de suite à Peter avec Intergiverso 89 FM. C'est les palmarès. C'est fou. C'est juste pas très bon. J'étais un petit peu violemment dans mes mots. C'est juste pas très bon. Pas la musique, là, mes jeux de mots. Des fois, quand j'ai des choses comme ça, les gens font l'association avec la pièce qui est en cours. T'sais. C'est pas vrai. C'est pas de la pièce que je parle. De moi. Je trouve que je poche! Hein? Ouais, éventuellement, j'arrête toujours de parler. Éventuellement, je finis par arrêter. Ouais. Il y a tout un cirque dans ma tête et sous ma peau. Des cracheurs de feu font la guerre à mon estomac et des amis. Je n'en ai pas, je me redresse, tout plein de maladresse. Avec douance, je sombre en défaillance. Je vais seul, je ne m'en plains pas. Et des amis, je n'en veux pas. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes pas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts vont jamais assez haut, vont jamais assez haut, vont jamais assez haut, vont jamais assez haut. Bon d'accord, j'ai peut-être débordé, mais aujourd'hui je sens que ça va mieux, ça ira. C'est vrai, je te l'assure. Et l'important, c'est que ça te rassure. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes pas, en effet, vont trop pas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes pas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Comment ça va toi? Comment va? Comment ça va toi? Comment ça va à l'école? Comme on dit toujours, ça va bien, bonjour. Oui, mais moi, je ne vais plus à l'école. Et comment ça va, toi? Ça va bien? Comment tu t'appelles? De quoi je me mêle? Cela ne te regarde pas. Moi, je ne vais pas. Et puis quoi encore? Tu me diras qu'il fait beau dehors. Dis-moi où tu vas, dis-moi d'où tu viens, dis-moi tout, dis-moi presque rien. Dis-moi si tu penses revenir, serait-ce indiscret, cher ami, de te demander quel âge aurais-tu si le monde venait à s'écrouler. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes pas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes Au retour, Chad Van Galen, Mita Gruyot et Erewhon au palmarès. C'est fou. Au 89 FM, restez là. C'est un envoi vers la pub. C'est pas toujours réussi, mais c'est comme pour envoyer vers un message publicitaire. Pas pire, hein? Avoue que t'es impressionné. Pas pire. Là, je pèse pour que la pub parte ici. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Numéro 11. moi, les fous du ménage, là, je comprends juste pas ça. Comment tu peux récurer à chaque minute de la journée pour que tout soit parfaitement pile-poil nickel, tu sais? Tu parlais de ta voisine. Ma voisine, OK. Ma voisine, c'est la même chose. T'sais, il y en a des fois, son freak du ménage à l'intérieur. Elle, c'est à l'extérieur. Wow. Et je vous jure... OK, petite anecdote, ouais. J'en revenais pas. J'arrive chez nous un vendredi soir, j'arrive de Trois-Rivières. Ma mère, elle me dit « Viens ici ». Je dis « Bon, qu'est-ce qu'il y a? » Elle me pointe l'arbre chez ma voisine. Elle dit « Regarde son arbre. » Je fais « Oui. » « Qu'est-ce qu'il y a? Ben, » Il n'y a plus de feuilles, tu sais. Elle regarde le nôtre de la même sorte, là. Je fais « Oui, ben, il y a des feuilles, tu sais. » Elle dit « Ben, pourquoi il n'y en a pas dans son arbre, tu penses? » Ben, je dis « Il est malade. » Tu sais, il va des choses logiques. Des là, choses logiques. Ouais. Elle me dit « Non. » Elle a enlevé toutes les feuilles, une à une, et elle les a mis dans un pot. Aïe, aïe. Oui. Donc, il y en a que c'est le ménage à l'intérieur, mais il y en a c'est le terrain à l'extérieur, hein. Incroyable. Ce qui nous fait parler de ça, c'est évidemment un article dans le journal Zone Campus, cohabiter le même espace, article sur la cohabitation. Oui, la cohabitation en appartement, ça peut être bon pour le monde qui arrive en résidence, là, qui sont nouveaux, qui se disent c'est la première fois. Bon, tout le monde l'a vécu, là, mais la première fois, c'est jamais évident. Non. Moi, je sais que je pense que je serais capable d'habiter avec quelqu'un qui n'est pas ma copine, c'est bon. Non, je me tomberais ses nerfs moi-même tellement que je serais stressé pour de ce que les autres pensent de moi. Et tu sais, ce que je pense d'eux. T'sais. Non, côté ménage, côté tâche. Non, one minute. Mais ouais, c'est ça. Non, pas facile du tout. Procurez-vous le plus récent numéro du journal Zone Campus ou visitez le nouveau zonecampus.ca avec plein d'articles à consulter et le journal de façon virtuelle. Vous pouvez changer de page avec une belle petite animation. C'est super joli, zonecampus.ca. Mais sinon, la meilleure façon, c'est toujours en papier. Prenez-le, notre journal. Puis en plus... Avec les files d'attente ces jours-ci pour tout ça, tu peux le lire. C'est pour pratique. Ça. On a eu la bonne idée mardi avec le directeur général François-Olivier Marchand d'aller distribuer les journaux dans les mains des gens comme on le fait à chaque année. Et toujours un grand succès. On voit les gens, certains s'assoient sur le journal pour pas se tacher les fesses. Mais ils l'ont lu avant et le liront après, j'imagine. Hein? OK. OK. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou. Condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On peut pas s'asseoir sur cette émission-là. Je ne m'assierai pas sur mon radio. Je pense que. Premièrement, j'ai pas de radio à la maison. Pour un gars de radio, c'est un peu bizarre, mais bon, que voulez-vous? Vive le stream Internet quand il fonctionne! Hein? On est rendu au position numéro 10, 9, 9, 9. Ah, non, attends un peu! Non, hey, on fait un petit skip it good. On sort par-dessus 4 pièces. Les prochaines positions, les 8e et les 16e, c'est bien ça? Oui, parce qu'on a entendu. Non, attends un peu, je suis tout mêlé. Oui, non, on est rendu à la 11e place au niveau anglophone et à la 10e au niveau francophone. Merci, nouvelle co-animatrice des Palmarès C'est fou de ramener à l'ordre l'animateur depuis genre les 7 dernières. Ils sont où tes petits crochets sur ta feuille? Je les ai mis en haut, je les ai pas mis en bas. Le contraire. Bref. Tu disais donc qu'on était rendu aux 10e position, c'est bien ça? Au côté anglophone, 11e position, Chad Bangalan avec Replace Me. T'es sûr? Je suis certaine. Non, on l'a joué. On vient juste de la jouer. Ah ben là. Bon, ben, ça t'apprendra d'essayer de me rattraper. On l'a joué, celle-là, Marie-Pierre. J'espère que j'ai raison, parce que sinon, je te suis en après pour rien. Ah, ça va bien. Alors, on va aller aux prochaines positions, c'est ça? Ah, mais non, c'est ça. Je comprends plus rien. On n'a pas joué All Those Girls de Jolie Holland. OK? On va aller jouer ça. OK? Non? Moi, je parle plus. T'as pas l'air sûr. Ouais, je pense que je me suis un petit peu enterré dans mon propre trou avec tout ça. Ah, position numéro 10, Jolie Holland. And the Grand Chandelier, voici All Those Girls. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, dans le fond, on a joué les positions numéro 11, OK? Mais on n'a pas joué les 10e. J'avais préparé feu de la pièce de Metagrio. C'est elle qui aurait dû jouer. On va les écouter à l'envers. Puis là, on va être de retour à... C'est ça quand tu mets une pause entre deux pièces par rapport à rien, là. Tu mets pas de pause en plein milieu d'un bloc. C'est bien, hein? Can't believe you're treating me like all those girls, all those sweet girls go home to cry and wonder why all those sweet girls. The rain is coming down and petals on the ground like falling snow. You turned to go, and I walk away, and I hear you say, I can't believe you were treating me like all those men, all those fine men that took you in into their hearts with open arms.

fucking sex appeal. Atomic Baobab avec la pièce Foxtrot Uniform en position numéro 9. Ça descend de 5 places. Ben oui. Avant ça, on a sauté par-dessus Gatineau avec Dirk Diggler. Et ça, ça descendait de 2 places. Et on a entendu les 10e positions de chaque côté. Du côté anglo, c'est Jolie Holland and the Grand Chandelier avec All Those Girls. Et du côté francophone, c'était Métagreux avec Jupiter. Bon, comme si c'était pas assez mélant d'avoir sauté une pièce, on va se faire un petit bloc d'un petit peu n'importe quoi. On va jouer les positions 7 et 8, mais pas toutes. 7, 8 et 9, mais pas toutes. Tu sais, genre... On se comprend-tu? Mettons qu'en 8e place, du côté francophone, on aurait entendu Kid Sentiment avec nos Insomnies qui descendaient de la position numéro 1. Hein? Oui. Du côté anglophone, on va sauter par-dessus la 8e anglophone aussi. Ça, c'est Ringo Dead Star avec Imagine Hearts. On va sauter par-dessus la 7e position de chaque côté. C'est ça? Chaque côté, est-ce qu'on fait ça? On va en jouer une? Décide pour moi. Oh. Parce que moi... capable de passer. OK, bon, 8-7. Voilà. 8-7, on saute dessus, oui, par-dessus. Voilà, 8-7, voilà. Okay. Donc, c'est du côté francophone. Mettons qu'on sauterait R1 avec le roi. OK, c'est ça? C'est ça? Oui. C'est ça? Pour aller entendre la position numéro quoi? 6. Je pense qu'on va bien trop vite en faisant ça. Ben, je te l'ai dit. Oui, mais... c'est ça. OK, non. OK, on écoute R1 le roi. C'est bon? On l'écoute? OK. Parce qu'il est placé, déjà. Fait qu'on l'a fait jouer comme ça. Puis après ça, on va se démêler dans nos affaires. Puis la semaine prochaine, on fera mieux ça. OK? Je sais que début de session, c'est de même. Faites-en pas. Ça paraît pas. Ça paraît pas pendant. OK? Oh, dans sa tour, le roi regarde dehors. Il y a 300 000 soldats qui se dessinent à l'horizon. C'est la fin du combat. Ton échec est mal, c'est un coup d'état. Y'a rien qui change vraiment. Y'a des tyrans. À toutes les crises d'époque, on a perdu d'avance. On est content. Le boss fait ses valises, il s'enfuit au Belize pour éviter la prison, la justice. Oh, le pouvoir, faut être débile pour le vouloir. L'amour, y'en a tellement, j'pourrais remplir le néant. Thank you.

Knuckle Down de Manon en position numéro 6, ça monte d'une place. Et en sixième position francophone, c'était Malajube avec Sensu. C'est la fin de la deuxième heure, il nous en reste une troisième. Et dans la troisième heure, tu vas nous parler entre autres des Sages Fous. Oui, les Sages Fous, une compagnie de marionnettistes installée à Trois-Rivières. Ça va être excellent ça, comme toujours. Et on aura aussi le top 5 de chaque côté. Donc entre autres, Antoine Corriveau, les Breastfeeders, Karim Ouellet, Bravo Funkin, Galaxy, Mother Mother, Black Lips, Soccer of the River, Ostra et Bon Iver. Hein, je parlais-tu défilé 10 groupes en dedans de 3 secondes? On les a tous retenus. C'est ça. Ben, restez là. Au pire, ça va vous faire du suspense de plus pour le top 5. Hey! Vous êtes assez fous pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. C'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la période du 29 août au 11 septembre 2011. Elle, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et nous sommes les mêlés des palmarès C'est fou. Mais on a passé par-dessus l'étape la plus difficile, qu'on essaiera de rendre moins difficile la semaine prochaine, mais on est rendu dans le top 5, donc ça va être simple. Là, on va jouer les cinquièmes, les quatrièmes, les trois, etc. Là, hein, je te ferai pas un dessin. Du côté anglophone, la position numéro 5, c'est Bon Iver avec Holocene et ça monte de 12 places. Et du côté francophone, c'est Galaxy avec Requin Tigre. Et juste après ça, la chronique de Marie-Pierre. Someone said it struck the street. Des nachos, toi. Ça a l'air bon. Tu me parlais de ça, puis je suis comme... On parlait de mauvaise publicité de chips. Oui. Avec un chef qu'on se rappelle pas de son nom, puis qui chante une chanson vraiment mauvaise dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça résume bien la chose? Oui. On vient d'entendre les positions numéro 5. C'était du côté anglophone Bon Iver avec Holocene. Ça monte de 12 places. C'était sa deuxième semaine. Oui. Et en cinquième position francophone, c'était Galaxy avec Requin Tigre. On va aller au quatrième tantôt. Carré Moulette avec une pièce et puis Oscar avec une autre. Là. Mais pour l'instant... non, mais là, on les dira tantôt. Parce que Marie-Pierre, vous nous parlez des Sages Fous qui est allé voir le spectacle de marionnettes théâtrales. Oui, exactement. J'en avais parlé il y a quelques semaines, comme quoi l'événement arrivait, qu'il fallait y aller parce que bon, j'étais jamais allée, mais selon les descriptions qu'il y avait sur le site internet, ça avait l'air complètement fou. Et bon, tu te dis, OK, un spectacle de marionnettes, ouf, de quoi ça va avoir l'air? T'es pas trop sûr. Ça va être pour enfants, tu sais. Ouais, mais la seule image qu'on a, nous, c'est quoi? Cannelle, pruneau et compagnie. Mais tu vois, moi, au contraire, ma référence en marionnettes, c'est les mopettes et j'adore les mopettes, donc tu sais. Ah, ouais. Là, ça m'aurait tenté, ça. Ouais, OK, ouais, j'avoue. Mais bon, tu t'attends à. Je sais pas trop à quoi t'attendre, mais sur le site internet, ils décrivaient ça comme un théâtre paradoxal. C'était beau, laid en même temps. Je sais pas trop à quoi t'attendre. Grand et petit, grand, gros et maigre. Ouais, à peu près. Noir et blanc. Mais bon, t'arrives là-bas, puis ils te font entrer dans une toute petite pièce. OK, c'est l'atelier dans lequel les marionnettes ont été construites et tout ça. Donc, tu te dis, OK, t'as comme un peu l'exclusivité. T'es comme content, là. Sans privilégier. Oui, tu t'installes, mais au début du spectacle, je vais vous avouer, j'étais pas très certaine de ce que je m'en allais voir. La manière de nous embarquer dans l'histoire, j'étais pas certaine. Mais à un moment donné, bon, c'est deux personnages qui travaillent pour un certain boss, OK? OK. Et ils ont, comme on pourrait dire, comme mission d'animer et de trouver les personnages d'un cirque, OK? Mmh. Donc, le titre du spectacle, c'est « Le cirque orphelin ». Et les marionnettes qui est dans ça. Bon, imaginez-vous, bon, les numéros de cirque habituels. Quelqu'un qui fait de l'équilibre, quelqu'un qui marche sur une corde. Bon, tu sais, il y a tout le temps les genres de phénomènes femme à barbe. Là. Oui, oui, bon, ben oui. Okay. Les freak shows, là, qu'on appelle. Je vous dis pas qu'il y a une femme à barbe dans le spectacle, mais bon, c'est pour que vous imaginiez un peu les numéros qu'il pouvait faire aux marionnettes. Et bon, ils dirigeaient pas avec... Tu sais, des fois, il y a des marionnettes, c'est comme des ficelles au-dessus. Mm-hmm. Des fois, il y en a, c'est la main dans les fesses. Ouais. La main dans les fesses. Ah, excuse-moi, la main dans la marionnette, oui. La main dans le bip. Hein? Oui. Et bon, eux, c'est plutôt des genres de tiges qui semblent être en bois, qui sont accrochées après les membres des marionnettes. Un peu comme Passe-Partout, ça rappelle un peu ça, parce qu'on voyait les bâtons dans Passe-Partout. Oui, c'est un peu ça, oui. Et bon, des fois, ils sont deux pour diriger la marionnette, mais les marionnettes, OK, c'est pas des marionnettes... À quoi tu t'attends? Tu t'attends à ce que ça soit étrange, mais les marionnettes qu'ils font, sont tellement laides, mais en même temps, quand ils s'animent, quand ils les font bouger puis qu'ils deviennent vivantes, tu peux pas faire autrement que trouver ça beau. Mm-hmm. Donc, c'est le paradoxal, il est là, là. Ah. C'est que c'est des personnages très laids, mais que tu trouves tellement cute, là. T'es comme un enfant qui fait comme... Oh. Oh. Bon, pour vous donner une idée, il y avait comme personnage, il y avait... Mon préféré, OK, c'était une tête. OK, bon, OK, oui. Ça commence bien déjà pour une marionnette, oui. Une tête, mais qui n'avait pas de cou. OK. Et la tête était accrochée à des bras. On pourrait l'appeler Monsieur Tortue. Non. Non? Mais en tout cas, c'était une tête accrochée après des bras, mais pas de bas de corps. Okay. Donc, juste des bras avec une tête au-dessus. Oui. Et bon, ce personnage-là faisait des équilibres, mais en plus, c'est que les personnages avaient toutes les personnalités. Par exemple, ce personnage-là, il avait peur, donc il s'accrochait après les marionnettes dans le cou. Il shakait, il mettait les doigts dans les yeux. Donc, ça devient un peu... Chaque personnage a une personnalité qui est propre. Il y avait aussi des personnages, il y en avait un, c'était l'homme oiseau. Donc, dans une toute petite cage, il était tout petit, là, tu sais, tout frêle, puis il bougeait, puis les mouvements sont tellement un peu comme des humains, là. C'est une étude du corps qui est vraiment spéciale parce que le petit bonhomme tout petit, l'homme oiseau qui essaye de voler, c'est comme si, bon, ratisse-toi à quelque chose comme moins de 10 cm, mm-hmm. puis on te fait bouger les bras, puis c'est exactement comment la marionnette bougeait. C'est. Ouais, si vous avez la chance d'aller voir un jour les Sages Fous, présentement, je sais qu'ils ont fait donner leur dernier spectacle à Trois-Rivières et ils s'en vont dans les prochains mois en Europe. Ils semblent dire en Norvège. C'est une bonne tournée de l'Europe dans ce coin-là, Pologne, donc Worldwide. Un peu partout. Oui, ça, c'est gros, là. Mm-hmm. Et bon, on les connaît pas beaucoup à Trois-Rivières, donc l'été prochain, s'ils viennent à Trois-Rivières et qu'ils donnent un spectacle, les Sages Fous, il faut absolument que vous ayez voir ça. Il faut retenir le nom, il faut se noter ça en quelque part. Oui. Aussitôt qu'on voit le nom apparaître près de Trois-Rivières, on saute dessus. Vous sautez dessus. Voilà. Exactement. Les Sages Fous. Oui, si vous voulez aller voir le site internet, je crois, si je me trompe pas, c'est sagesfous.com. Je suis pas certaine, mais bon, c'est facile à trouver. Oui. Vivement les moteurs de recherche. Internet. Oui. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Mais de rien. C'est toujours au palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 4 du côté anglo. C'est Austral, ancien numéro 1 anglophone. Donc, on a un nouveau numéro 1 anglophone. Mm-hmm. Et la pièce, c'est Beat and the Pulse. Et du côté francophone, c'est Karim Ouellet avec la chanson Catastrophe. On écoute ça tout de suite. Imaginez une marionnette en train de danser là-dessus. D'ailleurs, il y avait une marionnette qui dansait. Elle faisait du pole dance. Pole dance! J'adore ça! Oh, wow!

Mother Mother et Problems, c'est la position numéro 2 des palmarès anglophones. C'était la position numéro 3 des palmarès anglophones. et au 3 francophones, c'est Antoine Corbeau et l'uniforme. Une chance que t'es là. Je disais tantôt, quand on avait la misère avec les positions, pas que je veux rappeler l'erreur des pièces tout le long de l'émission comme les gens font des fois. Merci, mais, ouais, c'est ça. Je disais, crime, Stéphanie, dans le temps, était rendue la mairesse de la façon de placer les pièces. Peut-être que tu vas finir par avoir ce talent toi aussi, parce que ce siège-là donne ce talent-là avec le temps. Ah oui? Alors que le mien est toujours aussi mêlé, mais ça, c'est plus la personne que le siège. Ça. Oh. Voilà. Tu vas avoir un super pouvoir, c'est ce que ça veut dire. OK. J'attends avec impatience. On va t'appeler Super Marie-Pierre. Déjà, tu sais, Marie-Pierre Laforge-Bourret, c'est pas assez long. Ça va être Super Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est beaucoup trop long. Bon. Imagine, sur les formulaires du gouvernement, ça rentre jamais. Non, ça doit déjà pas rentrer. Non, c'est ça. Ben, ils ont dû élargir le formulaire avec le temps, parce qu'à un moment donné, t'es pas la seule à avoir un long nom, tu sais. Vraiment pas. Vivement les parents. Hein? C'est ça? On les salue. Allô. Numéro 2 anglophone, on va l'entendre, Huckerville River avec Wake and Be Fine. Ça monte d'une place, 7e semaine de présence. Et le 2e position francophone, Bravo Funkin avec Boîte à savon. Bon. Bon. C'est clair tout ça, non? Oui. Après ça, il va rester les numéros 1 et on va être pas mal popé. Hein? On va peut-être le temps de revenir en arrière un petit peu avec les positions qu'on a sautées tantôt. Promettons pas des affaires qu'on pourra pas réaliser, mais voilà que je l'ai fait. Donc. C'est un peu ça. Le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Auras-tu terminé à temps pour la grande course du printemps? Le tournoi des amants. Nous déballerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. Sur la main. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Numéro 2. Tuckerville River et Wake and Be Fine montent d'une place en position numéro 2 anglophone, 7e semaine de présence. Et du côté francophone, c'était Bravo Funkin avec Boîte à savon. C'est vrai, c'est vrai. Il nous reste seulement les positions numéro 1, mais avant de se rendre là, parlons un petit peu d'un camp, Marie-Pierre. Oui, d'un camp un et camp. D'une activité. Plus un quand et un où et un comment et un pourquoi, surtout. Oui. Lundi de la semaine prochaine, lundi le 12, à 19h, il va y avoir un match promotionnel de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ouais. Ça va être à la Chasse-Galerie, le bistrot de l'université. Juste à côté de nos studios, derrière juste moi. Juste à côté de... derrière Mathieu. Oui, c'est ça. Allez derrière Mathieu, ça va être là. Ça va être là. C'est toujours là que ça se passe, en arrière de Mathieu. C'est? Donc, c'est à 20h. Ça, c'est un match pendant lequel les anciens membres de la Ligue vont affronter les nouveaux membres. Donc, des jambes contre des bras. Exactement. Et c'est à 20h. C'est totalement gratuit. Et si vous êtes intéressé par l'improvisation, si vous en voulez plus que simplement regarder, si vous avez déjà essayé de faire de l'improvisation ou si vous n'en avez jamais fait, il va y avoir le camp de recrutement pour les nouveaux, pour les anciens, pour tout le monde. C'est le 19 et le 20 septembre, donc lundi et mardi, pas la semaine prochaine, la semaine suivante. Ça va être à 19h à la salle Rodolphe Mathieu dans le pavillon Albert-Tessier. Donc, 19h pour le camp de recrutement. Et c'est gratuit ça aussi. Ça va être sous forme d'atelier avec des des personnes qui ont déjà fait de l'impro. Donc, c'est pas. Ouais, ça va être très, très fun. Excellente idée. Tu sais quoi, moi, avec mon grand talent d'improvisateur qu'on entend toutes les semaines ici au palmarès, j'aurais peut-être besoin d'un camp. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut pas être pire que c'est là. Il hein, y a que de l'amélioration possible avec mon talent d'impro. Non? Ah! C'est de l'autodérision! C'est avec toi-même, Mathieu. Oui, pas mal. Je me trouve très, très difficile à écouter aussi. Ouais. Donc, il nous reste seulement les positions numéro 1, mais avant de le faire, merci premièrement, Marie-Pierre, pour ton information. J'avais l'air impoli complètement. on va l'entendre, une pièce qu'on a sautée plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire celle de Gatineau en position numéro 9. Ça descend d'une place. Voici Dirk Diggler et après ça, nos numéro 1. Vous êtes au palmarès, c'est fou! Un condensé de la meilleure musique de C'est fou. Ça va ensemble, on vous dira. Oh, clin d'œil, wow! Un clin d'œil. Ça va avec la danse. Que ma pensée, je bouge, je bouge, alors, c'est tout? Bah ouais, je... J'avais le désir de faire plaisir, je l'ai vu grandir, vu ça partir, puis retrécir, ensuite je vais m'associer rapidement, starter. J'ai explosé sans m'excuser, sans même être un peu exposé. Pendant qu'on est en train de causer, j'ai plus grand chose à te proposer. Faster, faster! De ta main clap là-dessus. Clap, clap, clap, clap, clap. Je vais faire attention, je vais éteindre les lumières avec mes clap, clap, madame. Tu sais? Non? Non. Les ça risque pas d'arriver. Ça fait longtemps. Gatineau, avec la position numéro 9, francophone Dirk Diggler, ont été retournés en arrière parce qu'on avait sauté plus tôt dans l'émission et il nous restait du temps. C'est comme ça, c'est pour ça que c'est pas dans l'ordre. Il nous reste seulement les positions numéro 1. Oui. Oh, que ça va être beau. On a des jeux de mots à faire. Oh! Mmh. Ouais. Vas-y, Mathieu. Ben, je m'essaie. C'est comme... Faut faire attention. C'est ça, tu sais. L'affaire, hein, c'est comme avec un bébé qui devrait téter ses mamans. Téter ses mamans. Tu comprends? Il faut faire ça lentement, naturellement. Un peu comme les allaiteurs, les allaiteuses. Non, est-ce que tu comprends le jeu de mots? Je suis pas convaincue. Non, parce que breastfeeder, ça veut dire allaiteuse. OK, tu fais le francophone en premier. Ben, apparemment. apparemment. Non, c'est comme un jeu de mots, c'est comme une jolie personne, une jolie fille, d'accord? Okay? Une jolie fille, tu dois la regarder de loin en faisant... Parce que sinon, tu pourrais te faire prendre l'air d'un pervers, c'est genre... C'est comme une fille qui serait dans une vitrine. Parce que la pièce s'appelle La fille dans la vitrine, c'est ça? Okay. Ça aurait pu faire référence aussi à Amsterdam. Je dis ça comme ça. Amsterdam! Ah. Quoi? Je t'expliquerai plus tard. Ben, j'aimerais ça. À Amsterdam, il y a un quartier où il y a des filles dans des vitrines. Ah, le Red Light District. Ah, d'accord, tu vois, j'avais pas ça en tête. J'avais pas ça du tout en tête, non. ni dans la gueule, ni nulle part. Dans la gueule c'est des jours. C'est mieux comme ça aussi. Le nom de l'album, c'est Dans la gueule des jours. Non. Ouais. C'était tout prévu. Ben, tout prévu comme, mettons, les filles dans ce Red Light District d'Amsterdam. Peut-être qu'elles ont les lèvres noires à force d'avoir fait des choses. Ouais, oh. Mais là, tu m'as amené. Ben oui, mais j'ai pas le choix, mais là, tu m'as amené, là. Comment? C'est ça. C'est de l'art, ce qu'elles font. Faut pas juger ça. C'est de l'art moderne, modern art. Le nom de la pièce anglophone. Hein? Ah, puis Arabie, quelque chose sur l'Arabie, là. Du café, peut-être. Parce que le nom de l'album, c'est Arabia Mountain. Bon, mais c'est tiré par les cheveux. C'est toujours un grand succès, ces jeux de mots-là. Première position anglophone, c'est les Black Lips avec Modern Art. On débute avec les Breastfeeders. Voici la fille dans la vitrine. Wow, hein? Hein? Impressionné. J'ai hâte à la semaine prochaine. Pas moi. Position. C'était les positions numéro 1 des deux côtés ici au Palmarès C'est fou. Rappelons un petit peu le top 3 du côté francophone. C'est Antoine Corriveau avec Uniforme. En deuxième, Bravo Funkin avec Boîte à savon. Et en première, on a entendu les Breastfeeders avec La fille dans la vitrine. Du côté anglophone, en troisième, c'est Mother Mother avec Problems. En deuxième, Huckerville River avec Wake and Be Fine. Et on vient tout juste d'entendre en première place, ça monte de une, Black Lips avec Modern Art sur leur album Arabia Mountain. Voilà, c'est tout pour les Palmarès C'est fou. On se retrouve en direct jeudi prochain entre 14h et 17h. On est rediffusé vendredi soir entre 17h et 20h. Ce qui nous suit le jeudi, c'est La Sécheuse. Et puis à 18h, notre ami Mathieu Leblanc-Houle animera La Spirale. Ensuite, pour les auditeurs du vendredi, à 20h, ce sera les Lutins de l'Enfer qui vont terminer votre soirée en beauté. Moi, je vous retrouve lundi matin à 7h pour l'émission Assemblage requis en compagnie de François-Yves Marchand. On va avoir Marie-Pierre, ma co-animatrice d'aujourd'hui, qui va nous faire sa chronique livre. Et d'ailleurs, je remercie Marie-Pierre d'avoir co-animé l'émission tout au long, presque, de l'émission. Il faut qu'elle aille prendre l'autobus, c'est de même, hein? C'est comme ça. Donc voilà, passez une excellente soirée, fin de semaine, et on se retrouve une autre fois. Hein? Vous êtes fins, vous êtes beaux. C'est le fun de vous revoir au Palmarès, c'est fou, hein? Les vendredis soirs, c'était des reprises. Là, ça va être une reprise, mais c'est d'autres choses. Ça reste pas mal la même chose, hein, finalement. Bye! Marie-Pierre m'aurait sauvé de ça facilement, je suis sûr. On se quitte avec une position du côté francophone. C'était le numéro 1 de la semaine passée. En 8e place maintenant, voici Kid Sentiment et Nos Insomnies. Bye!